notre âme tous les cris. S'élève le chant des opprimés. Sous le poids du désespoir, dans le noir de leur déboire, s'élève le cri des condamnés. Une image qui frémit sous la rage de l'ennemi. Y a rien de bon dans ce monde. Le Fils de Dieu se lève au cri de ceux qui rêvent d'une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber le stress et le chemin tortueux se redresse. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence. Sa main puissante et agissante. Oh. Yeah.